Et oui, vous écoutez toujours malheureusement Radio Cayenne. On est toujours le 11 mars. Il est 21h14 et c'est toujours Ghost au micro. Vous avez vraiment pas de bol. Et comme vous avez vraiment pas de bol, eh ben on va vous lire un article de France Info. Et c'est la loose ce soir dans vos oreilles. Cet article s'appelle Enquête France Info. Et oui, attention, c'est une enquête. Comment les renseignements s'adaptent depuis 3 mois au mouvement inédit des Gilets jaunes. Donc c'est un article qui n'est pas tout nouveau, hein. Il date du 23 février, donc il a presque 15 jours. Et le sous-titre, c'est Policiers et gendarmes des services de renseignement ont dû s'adapter en urgence à l'émergence de cette vague de contestation sociale protéiforme et à des leaders d'un nouveau genre. Ils sont sur les ronds-points, dans les manifestations, assistent à des réunions organisées dans le cadre du grand débat national et aux discussions sur les réseaux sociaux. Ils, ce ne sont pas les gilets jaunes, mais ceux qui les observent et les écoutent, les agents des services de renseignement. Depuis 3 mois, les policiers du renseignement territorial, entre parenthèses RT, ceux de la préfecture de police de Paris, mais aussi les gendarmes des brigades, sont en première ligne pour recueillir des informations sur ce mouvement social inédit, tant par sa forme que par sa durée. C'est vrai qu'un mouvement social qui a duré 4 mois, ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Historiquement, c'est inédit. Il a fallu en urgence établir la réalité d'un phénomène qui s'est construit du jour au lendemain sur les réseaux sociaux, rapidement et en nombre, résume Guillaume Rigvert, secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. 2 jours seulement avant la première journée de mobilisation, donc le 17 novembre, le service central du renseignement territorial, SCRT, publie une note de synthèse dans laquelle il décrit un mouvement d'humeur assez désorganisé, avec des initiateurs inconnus des services, mais un risque de récupération par les extrêmes. Pour les renseignements, la difficulté réside précisément dans cette association spontanée entre des manifestants lambda, ni syndiqués, ni affiliés à un parti politique, et des profils déjà identifiés pour leur extrémisme. À Toulouse, Bordeaux, Nantes ou Caen, par exemple, la présence des seconds a généré une forme de violence totalement décomplexée et débridée chez des individus qui n'étaient connus ni pour leur appartenance à l'ultra-gauche, ni à l'ultra-droite. Analyse Nicolas Lerner, le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, entre parenthèses, la DGSI. Les groupes d'ultra-droite et d'ultra-gauche sont structurés et suivis. On peut anticiper, comme la participation de 1 200 Black Blocs à la manifestation du 1er mai. On savait plus ou moins le nombre qu'ils seraient et quelles cibles seraient visées par les casseurs, reprend Guillaume Rigvert. Dans le cas des manifestations de gilets jaunes, qui ne sont pour la plupart pas déclarées en préfecture, les services naviguent davantage à vue. À l'évidence, c'est un défi, confirme un haut gradé des renseignements au sein de la gendarmerie. À la sous-direction de l'anticipation opérationnelle, la SDAO, le service central de renseignement de la gendarmerie, une structure a été montée spécialement pour suivre les gilets jaunes. Ce mouvement assez rural et périurbain au départ part beaucoup des terrains de la gendarmerie, observe ce haut gradé. Les brigadiers en uniforme, présents sur les ronds-points notamment, sont les premiers échelons du renseignement. Ils recueillent des informations sur le terrain, puis remplissent une fiche. En fonction de son importance, cette fiche est traitée par les analystes au niveau départemental, puis régional. Les éléments sont ensuite centralisés au niveau de la SDAO. Côté police, le recueil d'informations s'effectue localement par des agents en civil qui s'annoncent comme tels. On se présente pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, explique le responsable du renseignement territorial d'une ville moyenne du nord de la France. Si l'abréviation RT n'est pas très parlante, celle de RG rencontre plus d'écho. Les renseignements généraux ont été supprimés en 2008 et leur mission reprise en 2014 par les RT. On leur explique que le but n'est pas de les dénoncer, mais de faire le lien avec les forces de l'ordre en face, qui sont là pour faire respecter l'ordre public, explique encore ce responsable. C'est ce qui s'appelle du renseignement en milieu ouvert, fondé sur le dialogue. Pas question d'infiltration dans le suivi local des gilets jaunes. Qu'ils soient sur les ronds-points ou dans les manifestations, les agents du renseignement sont connus et travaillent à visage découvert. C'est bien, ils seront pas, ils passeront pas en procès pour port de la cagoule. Selon nos informations, certains ont parfois pu en faire les frais et être victimes d'agressions. Témoignage. Je me suis pris des coups de poing et des coups de pied de la part d'un manifestant alcoolisé sur un rond-point. Témoigne l'un d'eux. On représente l'État. Parfois, on se fait engueuler pendant 1 heure. On en accepte l'idée, ça les calme, ajoute-t-il. Selon lui, la direction a donné pour consigne de ne pas prendre position et de ne pas se mettre en danger en cherchant à duper les gilets jaunes. On est quand même bien intégré, relativise le chef d'une autre section locale des renseignements située dans l'Ouest. Loin de l'image d'Épinal de l'espion qui se fait discret, certains peuvent jouer le rôle de médiateur, notamment dans les petites villes où tout le monde se connaît. Le samedi, les CRS et les gendarmes mobiles sont mobilisés ailleurs. Quand la tension monte avec les chauffeurs routiers et les automobilistes bloqués, on est là pour faire le tampon et faire baisser la pression, poursuit cet agent local. L'idée, c'est d'avoir un coup d'avance pour chasser les mauvaises idées. Eh oui, vous avez des mauvaises idées, les gens. Et les réorienter en leur disant, par exemple, qu'il n'est peut-être pas judicieux d'aller manifester devant l'hôpital, confirme son collègue du Nord. Ce travail de pédagogie est d'autant plus important que les agents du renseignement n'ont pas affaire à leurs interlocuteurs habituels, rompus au rapport de force avec les autorités locales ou une direction d'entreprise. Les gens qu'on croise ne sont pas du tout dans les radars. On est parti de zéro dans l'ensemble, révèle-t-on côté police comme gendarmerie. Sur les ronds-points, pas de figure syndicale ou politique, mais des anonymes, à l'image des pionniers du mouvement identifiés par le CSCRT, le renseignement territorial, comme ayant créé la première page Facebook appelant à bloquer le périphérique parisien du 17 novembre. Ces 8 personnes, dont faisait partie Éric Drouet, étaient dépeintes dans une note du 29 octobre comme des individus au profil plutôt neutre, ne révélant aucun engagement militant et sans lien connu avec des groupes à risque, avec une passion commune, les rassemblements automobiles. On croise beaucoup de femmes, des mères célibataires souvent, des retraités, des travailleurs indépendants, des chômeurs, souligne le responsable des RT de la ville de l'Ouest. Pour identifier les leaders, on observe ceux qui tiennent les porte-voix, qui guident la foule. On essaye de discuter avec eux, de les connaître personnellement, de savoir ce qui les a amenés ici, détaille son homologue du Nord. Mais les leaders d'hier ne sont pas forcément ceux de demain. Tous les jours, on est étonné. Une semaine balaye l'autre. C'est un mouvement complètement polymorphe, pointe l'agent. Quel vocabulaire! Les leaders en matière d'idées ne nous intéressent pas. Ceux qui attirent notre attention, ce sont plutôt les agitateurs locaux qui ont une capacité à promouvoir des violences collectives, souligne le haut gradé au sein du service de renseignement de la gendarmerie. À partir d'éléments observés sur le terrain, cette surveillance se poursuit sur les réseaux sociaux. On a travaillé comme on le fait d'habitude, en récupérant d'abord les pseudonymes pour retrouver les administrateurs de pages Facebook, indique une source policière. Parfois, les services observent une concordance entre les leaders sur le terrain et les appels lancés en ligne, mais parfois non. On entend très peu ces personnes lors des réunions, mais sur Facebook, ce sont elles qui amènent les discussions sur certains sujets et qui tirent le débat dans un sens, explique cette même source. Sans surprise, les agents se créent de faux comptes pour pouvoir regarder les Facebook Live, le nombre de vues et les commentaires. Quand il s'agit d'identifier de potentiels casseurs, le gouvernement glisse vers ce qu'il appelle le milieu fermé, via des moyens techniques qui permettent un travail plus discret, comme l'enregistrement des conversations sur des messageries chiffrées et les écoutes téléphoniques. Selon Le Point, environ 150 gilets jaunes, une centaine en province et une cinquantaine à Paris, ont été mis sur écoute par les renseignements territoriaux et la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Ces écoutes administratives, hors procédure judiciaire, ont été rendues possibles par la loi sur le renseignement de juillet 2015. Mais elles doivent être validées par le Premier ministre, ça doit être trop compliqué de les faire valider, après un avis de la Commission nationale sur le contrôle des techniques de renseignement. Sollicité par France Info, cette commission, la CNCTR, n'a pas confirmé ce chiffre, mais elle a surveillé à ce que la loi ne permette pas de restreindre abusivement le droit de manifester ses opinions. On est rassuré. Certains gilets jaunes figurent également au fichier de la prévention des atteintes à la sécurité publique, comme l'a confirmé le ministère de l'Intérieur à France Info. Mais selon la place Beauvau, c'est parce que ces personnes sont susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collective. C'est ce qui inquiète les autorités et les services de renseignement, la radicalisation progressive d'une frange du mouvement. Des casseurs fortuits, il y en a toujours dans les manifestations de pêcheurs ou d'agriculteurs, par exemple. Mais là, ça s'inscrit dans la durée, avec des attaques violentes, protéiformes, qui visent des personnes, comme des journalistes, des policiers, des institutions. Observe-t-on au sein de la SDAO, donc les services de renseignement de la gendarmerie. Petit à petit, les revendications ont évolué et se sont multipliées. Né d'une mobilisation contre la hausse des prix des carburants, le mouvement s'est élargi à une critique globale du système économique et institutionnel français. L'instauration du grand débat national ne suffit pas à calmer les esprits, même si la mobilisation est en baisse. On assiste aux débats locaux pour voir l'ambiance, mais ceux qui posent problème sur les ronds-points n'y participent pas. Ils organisent des assemblées citoyennes en parallèle. Tout ce qui est proposé est considéré comme une trahison, une tentative de récupération, constate un des cadres locaux des renseignements territoriaux. Face à cette attitude, les services se sentent désarmés. Toute personne qui se positionne comme leader est bloquée par l'inertie du mouvement qui prône l'horizontalité. Ben oui, parce que l'horizontalité, c'est l'inertie, évidemment. Poursuit le même agent. Dernier exemple en date, l'exfiltration d'Ingrid Levavasseur lors de la manifestation parisienne du 16 février. Cette aide-soignante, qui a tenté de créer une liste gilet jaune pour les européennes, a été violemment prise à partie. Aujourd'hui, on est face à des jusque-boutistes. Mais au bout de quoi? Ils ne savent plus trop. Ils se sont trouvés une vocation. Ils sont dans une bulle. Il n'y a plus rien autour, déplore un autre policier. À la différence des conflits sociaux traditionnels, les agents du renseignement sur le terrain n'ont pas de monnaie d'échange à proposer. Un syndicat, s'il veut un rendez-vous chez le préfet ou rencontrer un ministre de passage, bon bah on sait quoi faire. Mais là, eux, bah, ils demandent rien. C'est pour cette raison, selon ces mêmes sources, que le renseignement local travaille de plus en plus en milieu fermé et a tendance à se judiciariser, plutôt que de remplir une sorte de contrat social avec les organisateurs. Comme le prévoit l'article 40 du Code de procédure pénale, le préfet doit saisir le procureur de la République s'il a connaissance d'un crime ou d'un délit à partir d'un signalement qui émane souvent des services de renseignement. Le recours à l'article 40 est plutôt rare, mais ça a beaucoup été fait pour les gilets jaunes, observe un des responsables locaux des renseignements territoriaux. Objectif, procéder à des interpellations préventives avant les manifestations. Les notes des services de renseignement servent aussi à éclairer les décideurs sur la suite du mouvement et surtout à adapter les dispositifs de maintien de l'ordre. Leur rythme varie selon les régions. Au début, on faisait jusqu'à 6 points par jour sur la mobilisation pour le préfet et les services centraux. Désormais, on est descendu à 1 point par jour, explique un agent qui travaille dans l'Ouest. Après plusieurs remontées par semaine, on est passé à une note de synthèse pour les réunions organisées dans le cadre du grand débat, une note pour les manifestations du samedi et une note pour les rassemblements sur les ronds-points, énumère celui qui officie dans le Nord. La fatigue dans les services se fait sentir. Et pas question pour autant de lever le pied sur les autres missions. Pour Paris, il est hors de question de laisser tomber le suivi de la radicalisation islamiste. On a deux mondes parallèles dans le renseignement. Le premier, sur la radicalisation, continue à évoluer comme si l'autre n'existait pas, explique ton côté police. Les gilets jaunes, c'est du travail en plus. On continue à suivre nos thématiques, confie un agent. Les renseignements territoriaux ont également pour mission de suivre la santé économique de leur secteur géographique. Et l'impact du mouvement commence à se faire sentir. À Paris, on s'inquiète des violences, mais en province, on craint les conséquences économiques. La grande distribution a les reins solides, mais pour les petits commerçants, c'est plus difficile, analyse un cadre DRT. C'est plus insidieux et on le verra à long terme. Cet agent craint l'arrivée des beaux jours. Les gilets jaunes ont un peu désinvesti les ronds-points. Enfin, faut dire qu'ils se sont un peu fait virer aussi, mais bon. Mais avec les beaux jours qui allongent et les températures qui remontent, qu'est-ce qui va les empêcher de s'y réinstaller? Je n'en vois pas la fin. Donc voilà, c'était un petit article de France Info de février, il y a 15 jours, quoi. Vous pouvez rechercher cet article, ça s'appelle Comment les renseignements s'adaptent depuis 3 mois au mouvement inédit des Gilets jaunes. Et il y a quand même des trucs à retenir, au-delà de rigoler de la merde qu'il raconte, il y a quand même quelques trucs à retenir de cet article, comme les mises sur écoute, les signalements des renseignements à la justice pour faire interpeller des gens, les interpellations préventives. Enfin, voilà, vous pouvez aller relire l'article pour prendre toutes les infos ou réécouter le podcast qui sera sur le blog de Radio Cayenne, un de ces quatre. Voilà, on vous laisse avec un petit peu de musique avant de continuer sur Karl Marx. Le drapeau rouge est bien Baba. Le plus bel emblème Baba. De l'ouvrier citoyen Baba. C'est pourquoi je l'aime Baba. L'étendard du travailleur Baba. Sera toujours le meilleur Baba. Vive la commune enfant Baba. Vive la commune Vive la commune Je n'aime pas les méchants Baba. Ni les bastonnades Baba. Mais j'aime tous les enfants Baba. Tous mes camarades Baba. Baba. Lorsque je joue avec eux Baba. Nous chantons le cœur joyeux Baba. Vive la commune enfant Baba. Vive la commune Vive la commune La commune savez-vous Baba. Petit téméraire Baba. Ce que c'est écoutez tous Baba. C'est de vivre aux frères Baba. Baba. Et lorsque nous serons grands Baba. Nous combattrons les tyrans Baba. Vive la commune enfant Baba. Vive la commune Vive la commune Vive la commune Afin d'affirmer les droits de la République Il nous faut vaincre les rois et toutes leurs cliques Plus de bon Dieu de Jésus De prêtre il n'en faut plus Vive la commune enfant Vive la commune Vive la commune